aux quatre horizons de mon cœur. Est mort mon frère, est mort mon frère. Aux quatre routes du malheur, aux quatre vents de votre guerre, aux quatre voies de la misère, est mort mon frère, au grand soleil, les doigts crispés sur de la terre, et vous chantiez dans vos bordels, mon frère noir aux yeux rieurs, travaillait au débarcadère. Il n'avait pas violé vos sœurs, il n'avait pas volé vos pères, l'avait tué pour vous distraire, pour voir brûler, hurlant au ciel, un nègre nu dans la poussière. Et vous chantiez dans vos bordels. Il ne connaissait pas la peur, mon frère jaune des rizières. Il ne savait que le malheur de ces gamins perdus qui errent sans pied, sans main sur leur derrière. Oiseaux de nuit, ombre de sel, crevant sans bruit à vos portières. Et vous chantiez dans vos bordels. Ils sont français, blancs, blacks ou beurs, au fond des banlieues, dit-on, incendiaires. Nos frères, amputés du bonheur, et nous, les guilles parasitaires, qui fleurissons sur sa colère, à petit gel, nous le menons au cimetière, et nous chantons dans ce bordel. Seigneur du sang, maître du fiel, voici l'an révolutionnaire. Vous pleurerez dans vos bordels. Vous pleurerez dans vos bordels.